et à tous. Merci d'être venu à cette séance qui, j'espère, sera un lieu de débat et sera passionnant. Avant d'en venir à la présentation des intervenants et leur laisser la parole, je voudrais juste revenir succinctement sur les questions qui ont guidé l'élaboration de cette séance. Alors, comme vous le savez, la question de l'évaluation, on peut dire, est assez au cœur du gouvernement de la recherche et de l'enseignement supérieur en ce moment, et surtout depuis la mise en place des agences issues du pacte de la recherche, l'ANR, l'ARS. Ce qui ne veut pas dire que cette question-là n'était pas présente auparavant, mais sous des formes diverses et souvent sans le mot lui-même, ni la doctrine qui l'accompagne, cette culture de l'évaluation, comme disent ceux qui y croient. Les transformations de l'organisation de la recherche, avec le développement du pilotage par projet, avec la volonté de mise en conformité de l'ESR français avec les doctrines du management public, ont amené à une multiplication des opérations d'évaluation, à une mise en concurrence aussi des instances d'évaluation. On pourrait voir ces transformations comme l'élaboration d'un quasi-marché, d'une certaine façon, l'évaluation visant à définir une valeur, évaluer c'est devenir une valeur, un quasi-marché parce qu'on ne parle pas de marchandises, mais en même temps, il s'agit par l'évaluation de comparer des choses qui peuvent être difficilement considérées comme comparables, comme tout marché, hein, d'une certaine façon, et d'établir une décision des acteurs à partir d'un système de prix relatif, on pourrait dire. Financer tel projet plutôt que tel autre, permettre à telle personne d'obtenir un congé de recherche ou d'être recrutée au CNRS pour réaliser un programme de recherche particulier plutôt que tel autre, soutenir tel laboratoire jugé excellent plutôt que tel autre supposé moins excellent. Évidemment, la question de la légitimité de l'évaluation est centrale et la légitimité des instances qui évaluent aussi. Cette légitimité est censée être garantie par la méthode de l'évaluation par les pairs. C'est ça dont on va parler aujourd'hui. Comme si cette méthode était pratiquée de la même façon partout, qu'elle permettait de se prémunir contre les biais divers et qu'elle assurait la possibilité de déterminer un système de valeurs relatives sur des personnes, sur des recherches, sur des laboratoires. Sans non plus que la façon de mettre en place les pratiques ne soit interrogée, ni les contraintes qui pèsent sur l'ESR et avant tout les contraintes budgétaires. On voit bien pourtant que les catégories de jugement nécessaires à ces opérations ne sont pas en apesanteur sociale, pour toute catégorie de jugement. Définir ce qui est excellent et qui est excellent n'est pas une mince affaire, plus encore de définir qui est le plus excellent. Qui décide de la légitimité des évaluateurs à évaluer et qui décide des usages qui seront faits de leurs évaluateurs. L'objectif de cette séance est de réfléchir à ces opérations d'évaluation en partant des pratiques, en partant de celles et ceux qui font l'évaluation. C'est une espèce d'ethnographie réflexive que nous appelons donc ce soir, en interrogeant ces pratiques à la fois dans différentes instances et dans différentes disciplines. On aurait pu prendre les choses autrement, mais ici ce sont les pratiques telles qu'elles se font que nous devrions prendre comme point de départ à la réflexion. Cette façon d'opérer, elle mérite de ne pas emmener vers une critique de principe, par exemple, mais surtout elle vise, en restant plus près des pratiques, à révéler les problèmes tels qu'ils se posent à celles et ceux qui font l'évaluation, les conflits qu'elles soulèvent, la variation des modalités qu'elles peuvent prendre. Faire varier les instances d'évaluation est déjà de fait une façon d'interroger les pratiques et les modalités de mettre en œuvre les évaluations. Beaucoup opposent les instances, par exemple, électives, comme le CNU et le CoNRS, institutions traditionnelles de l'ESR, qui font leur légitimité sur leur indépendance vis-à-vis du pouvoir administratif et une représentativité élective de ses membres, même partielle, aux agences issues du pacte de la recherche dont les membres sont tous exclusivement nommés par la tutelle administrative. On peut penser que ces différences viennent déjà modifier les pratiques. Surtout, si nous faisons l'hypothèse que les institutions n'existent pas en dehors des personnes qui les habitent, on voit bien dans ce cas-là les problèmes que ça peut déjà occasionner. L'objectif de la séance est aussi de mettre au jour les opérations qui interviennent en amont, en parallèle ou en aval de l'évaluation par les pairs, opérations qui encadrent l'évaluation, qui la définissent, qui la bornent, afin de sortir un peu de l'arbre qui cache la forêt et constitue l'apparente légitimité du peer review. On pourrait supposer que les missions dévolues à chaque institution expliqueraient les variations et plus encore les légitimeraient de telle sorte que chacune aurait développé des modalités d'évaluation adaptées à sa propre mission. Alors j'aimerais prévaloir contre cette interprétation-là, parce que ça ne serait pas voir que ces instances sont aussi en concurrence les unes avec les autres, comme par exemple lorsque l'ARS se substitue au CNRS dans l'évaluation des laboratoires, ou quand l'ANR remet en cause un recrutement au CNRS en ne finançant pas un programme de recherche pourtant au principe du recrutement. On peut aussi penser qu'évaluer en économie, c'est pas la même chose qu'en sociologie ou en astrophysique. Nous verrons ce qu'il en est avec, avec nos intervenants. Alors tout d'abord, Patrick Petitjean, qui était président pendant 3 ans du comité d'évaluation de l'ANR Terre interne et histoire de la Terre, physique subatomique, astrophysique et planétologie, également ancien membre de la section 17 du CNRS, nous parlera de l'évaluation à l'ANR. Ensuite, Pascal Petit, directeur de recherche émérite au CNRS en économie, rattaché au Centre d'économie de Paris-Nord, qui a été président de la section 37 du CNRS de 1992 à 96 et de 2004 à 2008. Nous parlera des aléas d'évaluation des unités au CNRS et de leur évolution. Olivier Martin, professeur de l'université à Paris 5, anciennement président de la section 19 du CNU de 2011 à 2015, nous présentera aussi quelques réflexions sur les pratiques de l'évaluation à partir de l'expérience de la section 19. Nous accueillerons également, à la demande du président du HCERS qui a sollicité une participation du Haut Conseil lors de la diffusion du programme de la séance, Christian Bois, professeur à l'Université de Pau, délégué scientifique à l'ARS depuis 2010, qui nous parlera donc de l'évaluation des laboratoires et des questions qu'elle soulève au Haut Conseil. Donc un petit changement de programme par rapport au programme qui, était, qui a été initialement diffusé. De fait, la présentation que nous devions faire, Christian Topalov et moi-même, sera peut-être reportée par manque de temps. Un mot cependant sur ce qu'elle pourrait être, si jamais on n'a pas le temps d'en parler plus. En nous appuyant sur la base de données qui gouverne la science et les CV publiés en ligne par les collègues, nous allons enquêter sur les parcours professionnels des organisateurs de l'évaluation dans les 4 institutions nationales concernées aujourd'hui, le CNU, le CNRS, l'ANR et l'ONRS. Et entre celles-ci, on s'intéresse aux différences de profil du personnel et d'essayer de comparer ce qu'on pouvait voir de cette façon-là sur la présentation qu'il pouvait donner de même. Si on y arrive, cette présentation clôturera peut-être la séance, si on y arrive. C'est peut-être un peu ambitieux, on va voir. Donc, je propose que chacun présente pendant une vingtaine de minutes. Je pense qu'on pourrait ouvrir à une première discussion après chaque présentation, mais pas trop longue, et ensuite faire une discussion peut-être plus globale, une fois que tout le monde aura représenté. Voilà, et je laisse la parole à Patrick Petitjean.